J'ai regardé les corps de marbre et j'invente la pensée des hommes qui ont inventé des dieux. J'entends le mot albanais et j'invente des hommes vivants, mortels. J'entends 51 et je vois une masse d'hommes, l'humanité entière, tête et corps pensant. J'entends la mémoire arrachée et je vois la violence sanglante. Et j'entends par les obus et je vois des hommes qui pensent la guerre et des hommes qui déplacent des obus. Des obus explosent à la radio.